Les rues de ma peine, Amir, sur RGM. Il est un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 12 juin 1924, naissance de George Bush, qui fut 41e président américain en fonction de 1989 à 1993. 1949, naissance de Roger Aaron Brown, acteur américain vu dans Robocop 2 dans le rôle de Whittaker, dans la série télé Washington Police, Esprit criminel ou encore Supernatural dans le rôle de Joshua. 1967, naissance de Denis Brognard, journaliste sportif, animateur télé français qui anime l'émission Koh-Lanta depuis 2002, Automoto depuis 2012 et depuis 2016, Ninja Warrior, le parcours des héros. C'est également l'année de naissance de Frances O'Connor, actrice australienne, vue dans AI, intelligence artificielle, dans le rôle de Monica Swinton, The Hunter et la série télé Once Upon a Time, dans le rôle de Colette, la mère de Belle. 1968, naissance de Manuel Blanc, acteur français, vue dans J'embrasse pas, dans le rôle de Pierre Lacaze, Beaumarchais, l'insolent, dans le rôle de Gudin, dans la série télé PJ, La Crime, Section de Recherche, Trafic ou encore Falco. 1977, naissance de Richard Ayoade, acteur réalisateur britannique, vu dans la série télé The IT Crowd, dans le rôle de Maurice Moss, et il a réalisé le film Submarine. 1979, naissance de Damien Trail, joueur de rugby français qui a fait carrière de 1998 à 2016, en jouant à la sélection paloise à Biarritz et de nouveau à la section paloise. 1980, naissance de Benoît et Karanob, gymnaste français qui au JO de Pékin en 2008 a été médaillé de bronze au concours général individuel. 1981, naissance d'Adriana Lima, mannequin brésilienne et apparue dans les séries I Want Met Your Mother ou encore Ugly Betty. 1985, naissance de Dave Franco, acteur américain, vu dans Supergrave, 21 Jump Street et 22 Jump Street dans le rôle d'Eric, dans Insaisissable 1 et 2 dans le rôle de Jack Wilder, Nos pires voisins 1 et 2 dans le rôle de Pete, dans la série télé 7 à la maison ou encore Scrubs dans le rôle de Cole Aarons. En 1772, décédé Nicolas Thomas Marion Dufresne, navigateur et explorateur français qui a notamment découvert en 1772 l'île Marion, l'île du Prince-Édouard et les îles Crozet. En 2003, décédé Grégory Peck, acteur américain, vu dans Duel au soleil, Le mur invisible, La ville abandonnée, Capitaine sans peur, Les neiges du Kilimandjaro, Moby Dick dans le rôle du capitaine Achab, Du silence et des ombres dans le rôle d'Atticus Finch, qui lui avait valu d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur. Et en 2007, décédé Walter William Herbert, explorateur, écrivain britannique, qui est d'ailleurs le premier homme à avoir atteint le pôle Nord à pied par voie terrestre avec des traîneaux à chien. C'était le 6 avril 1969 et cette nuit, on a appris le décès d'Yvette Horner à 95 ans. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec Claudio Capeo et son tube « Un homme debout ». Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Mais si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères. Je reste un homme de fou. La la la la la la la la la la la la la la la. Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'adresse. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse, ton futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse un manchement. Veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endorme, réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères, je reste un homme de jour. Priez pour que je m'en sorte. Et pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Si je m'endorme, réveillez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Un homme debout, Claudio Capeo, sur le 107 FM. Il est presque 8h43 et il est temps, eh bien, pour nous de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est pas mal nuageux et la pluie fera son apparition dans le courant de la journée. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 18 et 20 degrés cet après-midi. Pour mercredi, ça devrait marquer le retour des éclaircies. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés l'après-midi. Pour jeudi, des éclaircies également, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et en actualité sportive, bah, il n'y a pas beaucoup de choses à dire ce matin, si ce n'est en tennis. À Stuttgart, aujourd'hui, c'est l'entrée en compétition de Benoît Paire face à Fritz. Et Gilles Simon, lui, affrontera l'Italien Viola. Et à Bois-le-Duc, Jérémy Chardy affrontera Garcia Lopez. Et en rugby, championnat du monde U20, demi-finale ce soir hein, pour l'équipe de France qui affronte la Nouvelle-Zélande. Et voilà, hein, c'est tout pour l'actualité sportive. Je vous l'ai dit, ce matin, il n'y a pas grand-chose à dire. On va donc marquer tout de suite notre dernière pause musicale avec Kaigo et son titre Remind Me to Forget. It never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars, get your love. Keep reminding me, oh, get your love. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark, reminding me to forget. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. 'Cause baby, it hits so hard.